الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله عز وجل l'explication du livre intitulé أعلام سنة المنشورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. On s'est arrêté la semaine dernière, on était rentré dans un chapitre de la sorcellerie, ce qu'on appelle donc As-Sihr, et on avait expliqué ce que c'était, les différentes catégories et tout ce qu'on a cité donc comme Masail, comme questions qui sont en relation donc avec ce thème. Et on s'est arrêté à la question numéro 175 où le Shir il va nous dire Rahimallah, Mahia anusharatu wa ma hukmuha. Il va nous parler d'une chose, il va nous poser donc une question à propos de anushara, ce qu'on appelle anushara. Qu'est-ce que veut dire dans un premier temps anushara? Donc certains savants nous rapportent et nous rappellent que ça vient du terme nashar et qui en réalité au niveau de la langue arabe At-tafriq, le fait donc qui est la séparation. Et d'autres savants nous disent que c'est un barb min al-ilaj ou al-ruqya. C'est donc un remède et une sorte d'exorcisme. Ça, c'est en réalité ce qu'on appelle an-nushara. Au niveau de la langue arabe de façon générale, an-nushara. Par contre, pour ce qui est de son acceptation au niveau de la religion, au niveau législatif, il nous rappelle certains des savants, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, que c'est Hal al-Sahir anil Mashur. Et c'est ce que nous rappelle donc ici Hafir, Rahimallah, lorsqu'il va donc nous répondre à Nusharatu, il y a Hal al-Sihr anil Mashur, Arfan Nam Sihr. Il dit à Nusharatu, il y a Hal al-Sihr anil Mashur. Hal al-Sihr. C'est donc tout simplement dissiper et enlever donc cette sorcellerie ou ce sort sur qui il a été jeté. Donc al-mashur, celui qui est ensorcelé. C'est donc le défaire, c'est donc lui enlever ce quoi, ce sihr. C'est ça en fait an-nushara. Il va nous dire le shir. فإن كان ذلك بالسحر مثله فهي من عمل الشيطان وإن كانت بالرقى والتعاوذ المشروعة فلا بأس بذلك. Tout simplement pour bien comprendre, lorsqu'on parle donc de an-nushra et lorsqu'on dit que c'est tout simplement exorciser ou enlever donc le sihr de celui qui était victime de cette sorcellerie ou comme on dit conjurer un sort, il va nous dire le shir que cela va être de deux sortes. Cet acte-là va être de deux sortes. Et ensuite, lorsqu'on va comprendre que an-nushara, elle est de deux sortes, on va tout de suite comprendre pourquoi on va s'apercevoir dans certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite certaines paroles parmi les salafs qu'il y a ceux qui l'ont autorisé et ceux donc qui l'ont interdit. Ceux qui l'auront autorisé, c'est ceux qui auront vu que ce nushra, c'est celle qui est de la sorte que l'on fait avec ruqa, ta'awidh, al-mashru'a, comme nous l'a dit donc le shir. C'est-à-dire donc des invocations que l'on va dire, également ruqa, un exorcisme que l'on va dire, avec donc des invocations, etc., des versets du Coran, qui sont donc, bien entendu, mashru'a, qui sont légiférés. Dans ce cas-là, c'est autorisé. Et c'est pour ça qu'on va s'apercevoir que tous ceux qui l'ont autorisé, ils sont revenus à cette sorte-là. Par contre, la deuxième sorte, et c'est la première que va citer le shir dans le livre, c'est tout simplement contrer ce sihr et l'enlever par un autre sihr. Et c'est donc là interdit. Fahiya min amali shaytan. Fahiya min amali shaytan, comme nous dit le shir. On va voir donc le hadith qui concerne cela. Ça fait donc partie de l'acte du diable. Parce que l'on sait que le sihr, il vient des diables. C'est ceux qui l'enseignent aux êtres humains. Et c'est eux donc qui le pratiquent lorsqu'ils cèdent de ces shayatin. Donc le fait de revenir à un sorcier pour enlever le sihr d'une personne qui l'a déjà, qui est victime d'une sorcellerie, c'est tout simplement interdit. Et c'est min amal shaytan. Et c'est donc comme cela comprendre un nushra, qu'elle est de deux sortes, celle qui est permise et celle qui n'est pas permise. Et pour ce qui n'est pas permis, on va revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Jabir radiallahu anhuma, et qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Daoud, et dont l'isnad est hassan, l'isnad est acceptable. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila an nushra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut interrogé donc à propos de cette nushra, donc qui est le fait de retirer un sortilège. Faqal iya min ash-shaytan, iya min ash-shaytan. Il a dit, répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci vient donc du diable. C'est pour ça donc que le shir il a dit fahiya min amal ash-shaytan, fahiya min amal ash-shaytan. Et Abu Daoud nous rapporte que l'imam Ahmad a été interrogé à propos de al-nushra. Faqal ibn Mas'ud yakrahu hadha kulla. C'est-à-dire que l'imam Ahmad il a répondu à propos de al-nushra, il a dit que le sahabi al-jalil ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yakrahu hadha kulla. C'est-à-dire qu'il déteste cela. Et qu'on le dit, et c'est ce qui est le plus souvent et le plus courant chez les salafs lorsqu'ils disent yakra ou akra, ça veut dire tout simplement al-karaha bit tahrim ou karaha tout tahrim. C'est tout simplement ici, ils veulent dire par là l'interdiction. C'est détesté, mais à titre d'interdiction. Donc lorsqu'il dit Ibn Mas'ud yakrahu hadha kullah, c'est simplement qu'il déteste. Et donc ce qui est voulu ici, ce qui est voulu par ce hadith, c'est bien entendu ceux qui ont recours au sihr, ceux qui ont recours donc à la sorcellerie pour enlever donc un sortilège qui est déjà présent. Donc cela est strictement interdit au niveau de la religion. Et c'est pour ça que le prophète, seulement ce hadith, lorsqu'il a dit, ou lorsqu'on lui a demandé su'ila an al-nushra, an-nushra bil alif wal lam, al-alif wal lam lil ahd, c'est-à-dire que on lui a demandé à propos d'un nushra qui est bel et bien précis, c'est-à-dire qu'on a voulu par là un nushra qui se pratiquait dans al-jahiliya, chez les gens de la jahiliya, et qui était donc de recourir à la sorcellerie elle-même pour retirer donc un sort, etc. Donc c'est à partir de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu de cela, donc par rapport à ce qui lui était demandé, et un nushra qui était celui qui était interdit, c'est-à-dire celui qui était bel et bien précis, celui qui était fait et pratiqué par les gens de la jahiliya, ayadan billah. Et maintenant, si on voit, si on s'aperçoit d'autres paroles parmi les salafs, comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, An Qatada, il a demandé donc à Sa'id ibn al-Musayyib, Rajulun bihi tib. C'est-à-dire qu'on va lui, on lui a posé la question d'Ibn Musayyib par rapport à une personne bihitib, c'est-à-dire donc on avait dit tib bimana sihr, c'est-à-dire donc qui est ensorcelé. Est-ce qu'on va le laisser comme tel, c'est-à-dire qu'il ne pourra donc par la suite ne pas s'approcher de sa femme, car c'est ici un des cas ou un des résultats du sihr que l'on fait chez un, pour un homme, afin qu'il ne s'approche plus donc de sa femme et qu'il ne peut plus avoir de rapport avec elle. Ou yuhall anhu ou yunshar. Ou alors on va ici donc enlever ce sihr là, et parce qu'il est bien entendu autorisé. Yuhall anhu ou yunshar. Donc al nushra al mashru'a ici. C'est pour ça qu'il va dire Ibn al-Musayyib la ba'sa bihi. Innama yuriduna bihi l'islah. Innama yuriduna bihi l'islah. Donc il a répondu Ibn Musayyib qu'il n'y a pas de mal à cela. Il a voulu bien entendu ici al-nushra, celle qui est autorisée. C'est-à-dire qu'ils veulent par là, ceux qui donc ont pratiqué ce nushra parce qu'il est autorisé, et on va revenir à ce qui est autorisé, ils veulent par là donc al-islah, faire le bien et remettre les choses comme elles étaient auparavant, et donc enlever ce mal qui les a touchées. À partir de là, on va comprendre la parole de Ibn Musayyib wal Jawaz et annahu nushra al mashru'a, ce qui est donc permis et ce qui va revenir donc à ce qui est permis quant à l'utilisation, comme il a dit le shir ta'awidh wa ar-ruqah, etc. C'est ce qu'on va détailler maintenant. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, lorsqu'il nous a parlé également de la nushra et qu'il nous a expliqué que c'était également qu'elle se divisait donc en deux catégories, ou qu'elle était de deux sortes, celle qui était donc légiférée, celle qui était interdite. Pour ce qui est de la deuxième, c'est-à-dire celle qui est légiférée, il va dire an-nushratu bi ruqya wa ta'awwidhat wal adwiya wad da'awat al mubaha fa hadha jaiz. Donc il va nous citer quatre choses ici, Ibn al-Qayyim. Il va nous dire an-nushratu bi ruqya. Ruqya. Donc tout simplement faire ce qu'on appelle ruqya. Donc faire acte d'exorcisme en revenant par cela à la lecture de versets du Coran. Et parmi donc ces versets du Coran, ceux qui vont être plus spécifiques par rapport au sihr, il y a bien entendu le Fatiha, le premier verset ou la première sourate qui est le Fatiha. Et également, comme le rappellent certains savants, réciter les versets qui sont en relation avec Ibtal al-Sihr, c'est-à-dire lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous a rappelé comment, de par ses envoyés, il a annulé le sihr des Sahara, le sihr donc des sorciers. Comme fi surat al-A'raf, du verset 117, qu'on va retrouver du verset 117 jusqu'au verset 122. Fi surat al-A'raf. وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ. De même, في سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إلى آخر الآية, et qui est le verset 82, في سورة يونس, qui est le verset 82. Et également في سورة طه وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا, et qui est le verset 69, également 110, في سورة طه. Donc ces versets-là, qui sont spécifiques donc au sihr, ils seront lus sur la personne en tant que ruqya, donc afin de dissiper ce sihr-là qu'il a été atteint. Et bien entendu, ici il va y avoir des conditions que le sihr ensuite il va nous rappeler également. Parmi ces conditions, pour ce qui est de raqi, pour ce qui est de celui qui va faire ruqya, raqi, celui qui va faire donc l'acte de ruqya, il va nous dire tout simplement qu'il faut qu'il ait son cœur qui soit attentif, qalbun hadir, également mutawakkil ala Allah, et qu'il revienne à Allah azza wa jalla, qu'il s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala pleinement, également husnul dhann billah, qu'il se fasse la meilleure des idées envers Allah subhanahu wa ta'ala, wa i'tiqad annahu ash-shafi, également la croyance que c'est Allah azza wa jalla qui est lui seul va guérir cette personne là et que cela ne sont que des asbab, ne sont que des causes. Et pour ce qui est de al-maqru, c'est-à-dire sur celui à qui on va lire ces versets, etc., sur qui on va faire ruqya, il faut que il ait lui aussi la croyance que c'est seul Allah Azza wa Jal qui guérit, qu'il ait son espoir, un grand espoir, fi shifa illah, dans la guérison d'Allah Azza wa Jal. Al-thiqatu billah, également qu'il ait pleinement confiance à Allah Azza wa Jal, et qu'il ait la croyance que la parole d'Allah, il se trouve à l'intérieur de la parole d'Allah Azza wa Jal, al-shifa. Il se trouve dans la parole d'Allah, ou dans les versets du Coran, al-shifa, la guérison. Ibn al-Qayyim, il nous a également rapporté, il nous a rappelé les invocations, lorsqu'il a dit da'awat al-mubaha. Donc les invocations, bien entendu, toutes les invocations que l'on connaît, qui sont par rapport et qui s'appliquent pour ce qui est de la guérison, comme U'idhuka bi kalimatillahi ta'amati min sharri ma khalaq, etc. Toutes les du'as que l'on va connaître et que l'on va donc appliquer, et qui sont bien entendu des du'as authentiques, prises donc de la sunna ou alors du livre d'Allah Azza wa Jal. Également, il nous a parlé, Ibn al-Qayyim, pour ce qui était donc des médicaments. des médicaments, l'adouya. Pour ce qui est de l'adouya, les médicaments, on va revenir donc à ceux qui connaissent ces choses-là, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui connaissent bien comment on guérit de la sorcellerie, bien entendu, à condition que cette personne-là soit l'auteur et doté d'une croyance qui est saine, qui a l'expérience dans ce domaine-là, et qui connaît donc certains adouya, c'est-à-dire qui va connaître certains médicaments que l'on peut utiliser. Et pour ce qui est également une question que l'on va également citer, adabul khusus, plus précisément, à titre d'exemple, le fait de prendre de l'eau, d'y mettre ce qu'on appelle des feuilles de cidre, c'est-à-dire les plantes de lotus, et ensuite de lire les versets du Coran dessus, et ensuite d'utiliser cette eau donc afin de guérir, que ce soit du sihr, ou plus précisément du sihr ou autre. Il faut savoir que certains savants ont contesté cela, cette nushra, bien précisément. Et beaucoup de savants, et beaucoup d'autres savants, ils vont dire que c'est autorisé. Pourquoi ? Parce que ça fait partie tout simplement des médicaments. Comme Cheikh al-Islam, ou comme Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Également, c'est l'avis de l'auteur du livre qu'on étudie, Cheikh Hafiz, également qui cite que c'est autorisé de faire cela. Donc tous les médicaments qui vont être donc permis et que les gens, ceux qui sont spécialisés, connaissent. Et qui sont également à titre de ruqa. C'est pour ça que lorsqu'on a parlé de ruqa, le shir va nous dire dans la question numéro 175, ou arfouan, la question d'après, 176. Vu qu'on a parlé et vu qu'il a dit وَإِنْ كَانَتْ بِرُقَّ وَتَعَاوِذْ الْمَشْرُوَى, lorsqu'il nous a dit que cela, si un nushra a été utilisé ou cette sorte de nushra reposait donc sur الرُقَّ وَتَعَاوِذْ الْمَشْرُوَى, il va nous dire مَا يَرُقَّ الْمَشْرُوَى, pour bien que l'on fasse la différence, pour bien que les gens aient science de cela. مَا يَرُقَّ الْمَشْرُوَى, car les gens, ils ont besoin de savoir et de distinguer ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, et de connaître donc les remèdes que l'islam a proposés, qui n'effleurent en aucun cas la croyance du musulman, bien au contraire. Il va nous dire, le shir, yama kanat min al-kitab wa sunnah khalisa wa kanat bil lisan al-arabi wa i'taqada kullu min ar-raqi wal-murtaqi an ta'thiraha la yakunu illa bi idhnillahi 'azza wa jalla. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل وعليه السلام ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. Il va nous rappeler donc ici trois conditions pour que الرقاه, donc lorsqu'on dit رقاه c'est bien entendu le pluriel de رقية. Il va nous dire le shir qu'il y a trois conditions pour que Ar-Ruqa elle soit légiférée et que le musulman puisse donc l'utiliser. La première condition, c'est celle qu'il va dire lorsqu'il dit ma kanat min al-kitab wa sunnah khalisa. C'est celles donc qui vont être prises, donc des invocations, des versets du Coran avec lesquels donc on va faire cet acte d'exorcisme, qui sont pris de al-kitab, du livre d'Allah Azza wa Jalla, et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la sunna bien entendu authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalisa, c'est-à-dire pur, c'est-à-dire rien en dehors de cela, uniquement du livre et de la sunna. Wa kanat bil lisan al-arabi. La deuxième condition, que cela soit en langue arabe. Que cela soit en langue arabe, c'est la deuxième condition. Ensuite, la troisième condition, c'est ce qu'on a cité auparavant déjà, c'est que la personne, elle a la croyance que ce soit celui qui pratique un ruqya sur les gens, ou que le malade, que ce soit le malade, celui qui est mashour, celui qui est ensorcelé, qu'ils aient donc la croyance, une croyance ferme, que l'effet que cela va avoir ne peut être que par l'autorisation d'Allah Azzawajal. Et que cela, bien entendu, sont des causes qui sont utilisées, et que le véritable shafi, c'est Allah Azzawajal. Donc ça c'est l'irtiqad, ça c'est la troisième condition. Donc il repose, cette troisième condition, sur l'irtiqad, sur la croyance. Il va nous citer, à titre de preuve, ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est ensorcelé, comme on l'a vu dans le hadith, dans le cours précédent, lorsqu'il était ensorcelé par l'Abid ibn al-A'sam. Et j'avais dit que c'était un juif, en réalité c'était pas un juif, mais c'était un hypocrite et un allié des juifs, pour ce qui était de l'Abid ibn al-A'sam. Et que le prophète donc était ensorcelé par cette personne-là, et que Jibril, c'est lui-même qui l'a raqaw, qui l'a donc exorcisé, et qui a donc retiré le sortilège qui lui avait été lancé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sihr, donc ce sihr qui lui avait été lancé. Et le prophète lui-même, وَرَقَهُوَ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ, c'est-à-dire que lui-même, il a fait cet acte ruqya sur beaucoup des sahabas. Et comme il nous le rappelle, il va faire allusion ici au hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, lorsqu'ils avaient été voir une tribu et qu'ils leur avaient donc demandé à Diyafa de les prendre comme invités, et qu'ils avaient refusé, et qu'ensuite le chef de cette tribu s'était fait mordre par un scorpion, qu'ils avaient été les voir ensuite, les sahaba, et parmi Abu Saïd, qu'il avait, leur avait demandé s'ils avaient un remède, et donc Abu Saïd leur avait fait, lui avait fait Ruqya par Al-Fatiha, et qu'ensuite ils avaient pris à partir de cela, de cet acte-là, un Ujra, comme nous le rappelle le Shir Ujra, c'est-à-dire qu'ils avaient pris un salaire. Et le prophète Salam, tout cela, il l'a autorisé, et il l'a Aqarraou, c'est-à-dire donc, il a agréé ce qui avait été fait. Bien entendu, tout cela, dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Donc à partir de là, on sait bien que Ruqya, si elle repose sur ces trois conditions, de par l'acte de Jibril, de par l'acte du prophète, de par l'acte des Sahaba, c'est quelque chose qui est autorisé bidoun khilaf, sans aucune donc divergence. À la question 177, il va nous dire, rahimallah, ma ya ruqa al-mamnou'a. Donc il a parlé dans un premier temps de celle qui était mashrou'a. Il va parler maintenant de celles qui sont mamnoua. Il va nous parler de celles qui sont interdites. Il va nous dire donc yama lam takun min al-kitab wa sunna wa la kanat bil arabiyya. Donc toutes celles qui ne vont pas comprendre les conditions qui sont requises. Donc qui ne sont pas du livre et de la sunna. Qui ne sont pas en langue arabe. Bal ya min amal ash-shaytan wa istikhdami wa taqarrubi ilayhi mimma yuhibbu. Bien au contraire, celles qui ne sont pas donc de cela, et dont les conditions ne sont pas requises, alors, hada min amal ash-shaytan, cela fait partie donc de l'acte du diable, et de l'utilisation donc du diable. Et ça va être un rapprochement auprès de lui, c'est-à-dire ou plutôt utiliser, c'est donc l'utilisation que l'on va faire du diable à partir de là, parce qu'on utilise ces ruqas qui ne sont pas du livre de la sunna, qui ne sont pas en langue arabe. Donc ça va être l'utilisation que l'on va faire du djab à partir de cela. Wa taqarrub ilayhi, et également se rapprocher de lui du djab, bima yuhibbu, de ce qu'il aime. Kama yaf'aluhu kathirun min ad-dajajila wal musha'wadhin. Comme bien entendu le font beaucoup de gens, les charlatans, les sorciers, ayadan billah. Ces gens-là donc qui font cela, qui vont utiliser des choses qu'ils n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna. Les imposteurs, les charlatans, les superstitieux, ayyadun billah. Ils utilisent donc ces ruqas, celles qui sont mamnoua. Et également, il va nous dire, mimman yanzur fi kutub al-hayakil wa al-talasi ka shams al-ma'arif wa shumus al-anwar wa ghayrihima mimma adkhalahu a'da'u l'islam alayhi wa laysat minhu fi shay. Comme certains livres qui sont très connus. Parmi ces livres-là, ceux qui consultent donc les livres de sorcellerie, de talisman, tels que certains livres, comme celui qu'il a nommé le Shir, qui est un livre connu, Shamsul Ma'arif, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire le soleil donc des sciences, ayyadan billah, et qui est rempli en réalité de shirk et de doua du shaitan, et de ruqa du shaitan, Shamsul Ma'arif, et également Shumus al-Anwar. Donc des livres, ces livres-là qui sont connus, et qui en réalité ont été attribués à l'islam par les ennemis de l'islam, ayyadan billah, mais qui n'en font aucunement partie, et qui ne sont ni près ni de loin de ces sciences, c'est-à-dire des sciences de l'islam. Et comme le Shir lui-même l'a démontré dans son livre, Ma'arij al-Qaboul, le livre donc, son deuxième livre sur la croyance, beaucoup plus vaste, beaucoup plus détaillé, et qui traite également donc de tous les points de la croyance, Ma'arij al-Qaboul, fi sharh sulam al-wusul. Donc voilà ce que va nous rapporter le Shir pour bien connaître ce qui n'est pas de al-ruqa al-mashru'a, bel min al-ruqa al-mamnu'a. Ensuite, à la question numéro 178, le cheikh rahimallahu ta'ala, il va nous parler également de ce qui est en relation avec ce qu'on a cité avant. C'est-à-dire, il va en relation avec les questions précédentes. Pourquoi cela ? Parce qu'on a parlé de sorcellerie. Ensuite, le cheikh, il nous a parlé de nushra. Comment donc remédier à cette sorcellerie ? Et il va ensuite faire la différence entre ce qui est légiféré et ce qui ne l'est pas. Il va nous expliquer également sur quoi repose ce qui va être donc légiféré, sur quoi repose ce qui n'est pas légiféré pour ce qui est de nushra, pour ce qui est donc de retirer le sortilège. Donc il était ici judicieux et très important à la question 178 qu'il nous parle d'une chose qui est malheureusement répandue chez beaucoup d'ignorants parmi les musulmans et qui est donc le fait de se rapprocher des anneaux ou le fait de se rapprocher des cordes ou le fait de se rapprocher d'autres choses encore que l'on va ici, Inch'Allah, citer. Afin de quoi ? Afin de se protéger donc de ce mal. Donc ici, la sorcellerie ou autre. La sorcellerie ou autre. Ou ce qui est encore plus général que la sorcellerie. Donc on voit en tous les cas pourquoi le cheikh ensuite, il va nous parler à la question 178 de ce qui est, comme il le cite, « Ma hukmu ta'aliq bit-tama'im wal-autar » والحلق والخيوط والودع ونحوها. Il va donc nous dire, le shir, quel est le statut des objets qui sont portés, donc les pendentifs, tout ce qui est en relation avec les pendentifs, tels que les amulettes, tels que les cordes, tels que les anneaux, tels que les fils, tels que les coquillages, etc. Et donc, les gens, lorsqu'ils portent ces choses-là, ils vont le faire ici avec une niya. Ils vont le faire avec une intention. C'est soit raf'al bala, anibard al-wukhur, c'est soit donc, ils font cela lorsqu'ils sont atteints d'une maladie, que ce soit le sihr ou autre, afin de dissiper donc cette maladie ou autre, ou ce malheur dont ils ont été touchés. Raf'al bala, anibard al-wukhur, une fois que ça a été touché. Ou alors, daf'ul bala, c'est-à-dire qabl al-wuqu', ou alors donc, se protéger de ce qui peut leur arriver comme malheur, ou comme sihr, ou autre, donc avant même que ça arrive. Donc ils ont toujours cette niya, ces gens-là, lorsqu'ils portent, c'est ce qu'on appelle at-ta'aliq. At-ta'aliq. Donc le fait de s'accrocher des choses, des pendentifs. Ici, on va bien, bel et bien détailler. Pour bien comprendre par rapport à la croyance l'aspect néfaste de cela. Il faut savoir qu'il y a deux cas de gens qui portent cela. On va même en citer un troisième. Le premier cas, c'est ceux qui ont la croyance que ces choses qu'ils vont porter, ces choses elles-mêmes, hein, elles-mêmes, elles ont donc la capacité et le pouvoir donc soit de leur enlever ce dont ils ont été touchés comme malheur, ou alors de les protéger de tout malheur. Ceux-là, ceux qui ont la croyance dans cela, ils sont entrés dans ce qu'on appelle shirk al-akbar. Ils sont entrés dans ce qu'on appelle l'associationnisme majeur. Et par là, ils sortent de l'islam. Ceux qui ont cette croyance-là, ils sortent de l'islam. Hada shirk al-akbar. Ceux qui croient donc que ces choses en elles-mêmes, elles ont la capacité de faire ce qu'on a cité. Et elles vont rentrer dans le shirk min wajhain. Elles vont rentrer dans le shirk sous deux aspects. Le premier aspect, fi shirk al-rububiyya, c'est-à-dire ça va rentrer cela dans le shirk propre ou dans le shirk qui va concerner le shirk fi tawhid al-rububiyya, qui va concerner donc l'associationnisme dans l'unicité de la souveraineté d'Allah Azzawajal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsqu'ils ont cette croyance, comme s'ils avaient placé donc une autre divinité qui avait donc la possibilité de gérer ce qui se passe dans l'espace ou autre. Fiyani fi tadbir al-umur. Tadbir al-umur, le fait donc de gérer les choses, d'avoir un pouvoir et la capacité d'agir sur ces choses-là. Ça, donc, ça rentre dans le shirk fi al-rububiyya. Ensuite, le deuxième aspect, al-shirk fi al-uluhiyya. Al-shirk fi al-uluhiyya. C'est-à-dire donc le shirk dans ce qui va être propre à l'unicité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi ? Parce que ta'allaqa qalbuhum bi ghayrillah. C'est-à-dire que leur cœur, ils vont se raccrocher à une chose qui est autre qu'Allah Azza wa Jalla, en ce qui concerne donc raf al-bala, en ce qui concerne de dissiper donc un malheur, que ce soit par espoir, raja'an ou khawfan, que ce soit par espoir wa khawfan, et par peur. Donc ils sont entrés dans le shirk al-akbar de ces deux aspects, ceux qui ont la croyance de cela. Ça c'est pour le premier cas. Ensuite, le deuxième cas, c'est ceux qui vont prendre cela comme sabab. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la croyance ici que ces choses-là ce ne sont qu'un sabab, c'est-à-dire une cause. Et qu'en réalité, celui qui enlève ou celui qui dissipe les malheurs, c'est Allah Azzawajal. Mais ces choses-là sont des causes qui vont faire que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va leur dissiper leurs malheurs ou il va les protéger, ou alors les protéger d'un malheur qui peut arriver. Et ça, en réalité, c'est du shirkun asrar. Ça, c'est du shirkun asrar. C'est-à-dire donc, c'est de l'associationnisme mineur. Ils vont rentrer ici dans l'associationnisme mineur, non dans l'associationnisme majeur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir de l'islam de par cela, mais ils rentrent dans ce qui est khatir, dans l'associationnisme mineur, et qui peut les amener, comme on sait, sans refaire des cours sur tout ce qu'on a vu par rapport au tawhid, on sait que min khuturat shirk al-asghar, c'est-à-dire des dangers du shirk mineur, c'est que ça amène au shirk al-akbar, ça amène au grand associationnisme. Donc il ne faut pas se dire simplement du shirk al-asghar, je ne suis pas sorti de l'islam par rapport à ça. D'abord, c'est du shirk, ça porte le nom de shirk, et Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas. On a vu, on a vu chez les gens de science qui ont étudié cette question avec précision, que ce soit le shirk al-akbar ou que ce soit le shirk al-asghar, Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas. Même le shirk al-asghar, Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas. Ça ne rentre pas tahta al-mashi'a, ça ne rentre pas sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Donc regardez le khutura, regardez donc le danger de cela, de ceux qui ont cru que ces choses-là sont des sababs, sont des causes, ayadan billah. Et tous ces gens-là, que ce soit donc la première catégorie, la deuxième catégorie, umkhalafu shara wal qadar, ils ont en réalité été à l'encontre de la religion, de la législation, ils ont été également à l'encontre de al-qadar, c'est-à-dire la prédestination. Car Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui prédestine toute chose. Et c'est lui qui enlève toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Et donc on doit s'en remettre en Allah Azza wa Jalla, et on doit s'en remettre al-asbab al-mashru'a, c'est-à-dire aux causes qui sont légiférées et dont Allah Azza wa Jalla nous a informé dans son livre ou sur la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un point qui est important à comprendre dans un premier temps, pour ensuite répondre et voir comment revenir à la réponse du shir lorsqu'il a répondu à ce hukm, c'est-à-dire donc au statut de ces choses-là. Tous les hadiths qu'il va rapporter vont nous prouver que cela est interdit. Bien entendu, cela est interdit. Ça, c'est le hukm. Lorsqu'on parle donc de hukm, de statut, un hukm, automatiquement, ça va soit être interdit, ça va soit être autorisé, ça va soit être déconseillé, ça va soit être mubah, c'est-à-dire permis, ou ça va également être mustahab. Ça peut être également mustahab, c'est-à-dire recommandé, ou alors wajib, ou alors donc obligatoire. Ça, c'est le hukm. Pour ce qui est donc de ce hukm ici, ça rentre dans l'interdiction. Ça rentre dans l'interdiction, fit taharim. Donc ça va être la question, ça va être la réponse que l'on va comprendre à travers, donc directement lorsque le shir va nous citer les hadiths du prophète. Parmi ces hadiths, ceux qui vont être authentiques et certains que le shir a cités qui ne sont pas authentiques. À la kulli hal, l'ensemble de ces hadiths nous prouve que c'est bel et bien une interdiction. Et ici, on vous a donné donc la précision par rapport à ce qui était de ces choses-là et ce qu'elles avaient comme conséquences par rapport à la religion, ce qu'on appelle donc tamaim, etc. Et lorsqu'on a cité at-ta'aliq, donc tout ce que les pendentifs, etc., il faut bien comprendre par rapport à cela que c'est tout. Même une chose peut-être qui ne sera pas connue du temps des sahaba et qui va être ensuite connu chez les gens qui sont venus après eux, ou alors de notre époque, tout ce qui peut être inventé comme pendentif, ça va rentrer dans la même chose. Donc lorsqu'on dit, lorsqu'on a cité les exemples, ça c'est des exemples qui étaient connus du temps des Sahaba, mais également des exemples qui peuvent être, qui sont advenus ensuite. Comme par exemple, une chose qui est répandue chez beaucoup des Maghrébins, ce qu'on appelle la main de Fatma. C'est ça, hein? Cette main que l'on se raccroche. Et naam. Ce qu'ils appellent la main de Fatma. Cette main, donc, vous voyez cette main, souvent qui a un œil dans le creux de la main et que les gens ils s'accrochent autour du cou. Ça, c'est des pendentifs. Et ça rentre exactement dans ce qu'on est en train de citer. Pourquoi? Parce qu'on a cité de façon générale. Et comme je l'ai dit, tout ce qui rentre dans cela, et ça bien entendu, c'est plus que clair que ça rentre dans ce qu'on appelle le ta'aliq, dans les pendentifs. Et les gens qui portent cela, ils ont automatiquement soit cette croyance ou soit cette croyance, comme on dit. Soit ils croient qu'en elle-même, elle repousse, ou alors que c'est une cause. Et dans les deux cas, c'est du shirk. Le premier shirk akbar et dans le deuxième shirk asrar. Wal-am khatir jiddan. Et donc la chose, elle est plus que dangereuse par rapport aux musulmans et par rapport à sa croyance. Ayyadan billah. Ou appelé également Khamsa, Naam. Khamsa. Et tous les noms qu'on pourrait donner à ces pendentifs. Naam. Il y a un troisième cas que l'on va citer également. Peut-être qu'une personne, elle va porter cela, elle va dire, j'ai ni la croyance dans cela, ni la croyance dans cela. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? C'est-à-dire qu'elle va dire, moi, je crois pas, je porte juste comme ça. C'est-à-dire, je crois pas que que cette chose en elle-même, elle repousse le mal, ou elle apporte du bien, et je ne crois pas que cette chose-là est un sabab. On va lui répondre de la manière suivante, et ça on pourrait dire c'est une troisième catégorie de personnes. On va lui dire dans un premier temps que cet acte-là, yatroulfi tashabou bil mushrikin, que cet acte-là, le fait de porter ce pendentif, ça va rentrer donc dans l'acte de ressembler à qui? Au mushrikin, de ressembler donc au politisme, eux qui font cela, eux qui portent donc ces pendentifs avec leurs croyances. Et bien entendu, ici, il est strictement interdit dans la religion. Donc on voit ici qu'on reste toujours dans le tahrim, il est strictement interdit dans la religion de faire des choses ou de porter des choses qui sont ou qui ressemblent ou qui nous font ressembler par là au mushrikoun ou au kuffar, c'est-à-dire donc au politisme et au mécréant. Ça, c'est une loi ou c'est une règle de base au niveau du dîn, au niveau du dîn de l'islam. Tahrim et tashabbou bil kuffar wal mushrikin, l'interdiction de ressembler donc au kuffar et au mushrikin, et encore plus quand c'est ce qui est propre à leur croyance, encore plus. Et également, on va lui répondre min bab sadd al-dhara'i'. Pourquoi? Parce que la personne qui porte cela, yadda'i, c'est-à-dire que lui, il prétend ne pas avoir la croyance, mais est-ce qu'il est réellement à l'abri? Aujourd'hui il dit cela, est-ce qu'il est réellement à l'abri demain que le shaitan, de par ce qu'il porte, il lui fasse un waswas et qu'il lui fasse aimer cette chose-là et qu'il lui rentre dans son cœur cette croyance? Est-ce qu'il est à l'abri de cela, le fait de porter cela tous les jours? Et naam, al-nafs da'if, c'est-à-dire que l'âme elle est faible, elle doit s'écarter donc tout ce qui peut l'amener au shirk. Et ça c'était un minhaj dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, d'écarter les gens de tout ce qui peut les amener au shirk, même si ce n'est pas considéré ces choses-là, ou alors qu'il n'y a pas la croyance sur ces choses-là, que c'est du shirk. Tout ce qui peut nous amener au shirk, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et ça en réalité également, ça rentre dedans. Le fait donc de porter cela, et si la personne elle prétend, à ce moment où elle prétend, qu'elle n'a la croyance ni en ça ni en ça. Parmi ce qu'il a cité le shirk comme hadith, ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud ou l'imam al-Tirmidhi dans leur sunan, et qui est hadith dont l'isnad est hassan, est acceptable. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc on voit ici le verbe allaqa. On a vu donc le terme qui est employé dans la question du shirk, at-ta'aliq, donc ce qui est en rapport avec les pendentifs. Donc celui qui va raccrocher quelque chose sera confié à elle. Man allaqa shay'an wukila ilayhi, c'est-à-dire donc celui qui s'accroche quelque chose sera confié à elle. On va comprendre par rapport à cela que celui donc qui va raccrocher une chose à elle comme pendentif et autre, Allah Azza wa Jalla va faire automatiquement que son cœur va se raccrocher à elle. Ayyadan billah. Et ce qui nous prouve donc ici que c'est bel et bien du shirk, le fait donc ensuite de se confier à un autre qu'Allah Azzawajal et de s'en remettre à un autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc on voit bien ici wajhul al-istishhad, on voit bien l'aspect argumentatif de ce hadith pour ce qui est du tahrim, pour ce qui est de l'interdiction de porter des pendentifs et autres. Et également il va nous dire le shir wa arsala sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd asfarihi rasulan an la yabqina fi ruqbati ba'irin qiladatan ou qiladatun min watar ou qiladatun illa quti'at. Il va nous dire donc ici également dans un hadith qui est rapporté par fi sahihayn, qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé durant donc certains de ses voyages un messager afin de ne laisser aucun colis de corde ou autre au cou d'un chameau sans le couper. C'est-à-dire des choses que utilisaient les gens de la Jahiliya également, afin donc de se protéger, comme on l'a dit, du mal, donc qui rentre également dans At-Ta'aliq. Et donc, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné un messager donc de lui, Rasulun Lahu, de faire cela, de couper tout ce qui se trouvait comme corde au cou des chameaux, de ne point laisser un chameau avec une de ses cordes. Également un autre hadith qui va nous citer le shir, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Dawud ibn Majah ou al-Baraoui fi Sharh al-Sunnah et d'autres encore, et qui est un hadith authentifié par l'Albani. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwala shirkun. Inna ar-ruqa, donc les formules de ou le, tout ce qui va être utilisé donc comme exorcisme. Mais ici on va comprendre bien entendu bir-ruqa, ce qui est mamnoua, ce qui est mamnoua, c'est-à-dire ce qui est interdit et qui n'ont pas donc les conditions requises comme on l'a cité précédemment. Inna ar-ruqa wat-tamaim wat-tamaim, donc les amulettes, wat-tiwala, donc tiwala c'est une chose qui était utilisée, c'était donc comme un type de sorcellerie qui consistait donc à ce que l'époux soit aimé et désiré par son mari, ou alors l'inverse, ou alors l'inverse, ce qu'on appelle donc tiwala. Et également ça fait partie, comme l'a dit le shirk, tout cela fait partie donc du shirk. Ça fait partie donc de l'associationnisme, d'utiliser donc des ruqa, d'utiliser des invocations d'exorcisme qui ne sont pas, qui n'ont pas les conditions requises, wa tamaim, amulette, wa tiwala, tout ça fait partie donc du shirk et donc est strictement interdit. Également dans le hadith qu'il a cité, man allaqa tamimatan fala atamma Allahu la, wa hadha hadithun da'if. Ça c'est un hadith qui est da'if, donc on ne revient pas dessus. Par contre, une des versions qui est elle, ou un autre hadith qui va être proche de celui de celui-là, et qui est le suivant, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Donc celui qui va se raccrocher, ce qu'on appelle tamima, et donc qui est le, ici le singulier de tamaim, que l'on traduit par amulette, tayyib. Et donc ce hadith qui lui est donc authentique est rapporté par l'imam Ahmed ou al-Hakim et d'autres encore. Et donc celui qui porte une amulette aura associé à Allah, celui qui porte une amulette aura associé à Allah. Et pourquoi on l'appelle tamimatan, on les appelle également tamaim, ça vient en vérité du verbe tamma, ou atamma, atamma bil amr, c'est à dire que par cela eux ils veulent que le projet qu'ils ont eu l'intention de faire soit complet, c'est à dire qu'ils se complètent, c'est à dire qu'ils arrivent donc à l'objectif de ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on appelle cela tamima, et qu'on en appelle donc le pluriel qui est tamaim, qui vient donc du verbe atamma. C'est pour ça dans la version précédente, mais elle qui est ba'ifa, fala atamma Allahu la, c'est à dire qu'Allah Azza wa Jalla ne complète pas ce qu'il a voulu, c'est à dire qu'il n'arrive pas au but de ce qu'il a voulu. Et également dans l'autre hadith, également il y a un irtilaf par rapport donc à son authenticité. Certains savants le rendent da'if comme Charles Albani et d'autres. Lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam une personne et qui avait lui fiyadi halaqatun min soufr, c'est-à-dire qu'il y avait à sa main un collier de cuivre, soufr qui est en fait nahas, qui était un collier de cuivre. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, faqal min al-wahina, min al-wahina, min ta'liliya, c'est-à-dire donc à cause al-wahina, qui est une des maladies. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a obligé d'enlever cela. Il est obligé donc d'enlever cela. À la kulli hal, il y a un irtilaf par rapport donc à l'authenticité de ce hadith. Mais pour ce qu'on a vu auparavant, cela suffit donc pour prouver que c'est bel et bien interdit et pour prouver que ça rentre bel et bien dans le shirk. Donc lorsque le shirk, il nous avait dit à la question ma hukm ta'aliq, c'est interdit. Et en plus de cela, d'après les hadiths, comme on l'a cité donc en introduction, c'est bel et bien donc ou ce qui va être et faire partir donc du shirk, ayadan billah. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. On continuera donc pour ce qui est de ce cours, ce sera inshallah ce mardi, pour ce qui est de al-mu'allaq, lorsque al-mu'allaq, ce que l'on va donc se raccrocher, fait partie ou est du Qur'an, c'est-à-dire des versets du Qur'an, le shirk n'en parlera. Ensuite, on verra également al-kahan, on verra également tout ce qui est en rapport avec cela. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك